Exercice 6, page 29. A. Le message est passé. B. La tablette est rayée. C. Le téléphone a sonné. D. L'ordinateur a bugué.